Et moi je fais déjà les 100 pas, je viens juste de passer au CP. Les coups je les sens pas quand je vois maman qui cache ses peines. Papa qui claque ses payes. Ok on se bute la tête et tout ça derrière le comptoir. On lui dit abat tes comptoirs. L'alcool prend dessus dans les bastons, je suis en dessous. Dites-moi quand ça désoule. Putain c'est moi qui pleure, j'ai l'impression je parle à des sourds. Mon frère s'en bat les couilles, ma soeur faut la laisser tranquille. Pourquoi ça charne le sort moi quand je pesais à peine 30 kilos. Mes 4 pigeons déménagent. Il se passe un truc de fou et je suis perdu dans son manège. Et c'est le chétan qui nous manage. Maman appelle le prêtre, il se passe des trucs bizarres. Des milliers de cafards sur le plafond, pourquoi je suis loin d'Ibiza. Pourquoi le soir je m'endors, l'enfer à tes côtes. Pourquoi ce fils de pute me dit fais bien gaffe à tes côtes. Chaque soir on t'écoute, ouais comme t'es chaque minute c'est cool. Je me rappelle de cette femme qui chez moi parlait à des morts. Ébahi mon pote elle fait ça même devant des momos. Me dire on est les mêmes, viens je te prête ma vie. On verra si tu vas l'aimer. Je vois des affaires voler, toute seule dans la maison. Ah j'ai froid dans le dos, ça frissonne même jusqu'à mes ongles. Pourquoi le dire à mes oncles, personne ne m'écoutera. Putain je deviens fou, même la famille fait des coups de grâce. Mon frère se fait la belle, allez barre-toi d'ici. Pour péter les plombs frère j'ai pas attendu d'ici. Je suis venu l'écrire dans mes 16. Va te faire enculer, quand j'étais petit tu me disais Gabriel est un ange, Hélène ma sœur c'est son disciple. Allez va-t'en d'ici, y'a l'amour qui t'attend. Si la haine te claque la biche, je viendrai lui foutre sur la tempe.